Thank you.

Bonsoir Philippe, comment vas-tu? Philippe, et c'est sympa cette guitare. Est-ce que c'est toi qui l'a composé? Ouais, yeah. Est-ce que c'est ta chanson? Comment s'appelle cette chanson? Thank you. Thank you. J'arrive pas à régler. Pourquoi j'arrive pas à régler un canal synthé, hein? Thank you.